Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Historiens, historiennes confinés mais mobilisés pour comprendre le moment étrange que nous vivons. Quand il est question de soins, les femmes sont en première ligne. Des sages-femmes aux infirmières, l'histoire du soin serait-elle une histoire de femmes? Demandons son avis à Nathalie Sage-Prancher. Bonjour Nathalie Sage-Prancher, vous m'entendez? Très très bien. Vous êtes agrégée docteur en histoire, archiviste paléographe. Vous êtes l'auteur d'une thèse soutenue en 2011 intitulée « L'école des sages-femmes, les enjeux sociaux de la formation obstétricale en France, 1786-1916 ». Et puis vous en avez tiré un livre aux presses universitaires François Rabelais, c'était en 2017, « L'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel, 1786-1917 ». Alors déjà dites-nous pourquoi cette date de 1786 ? Alors la date de 1786 correspond à la première grande enquête à l'échelle du Royaume de France sur les professions médicales. L'enquête au départ concerne les médecins et les chirurgiens et elle est étendue sur proposition d'un intendant du nord de la France aux sages-femmes. Donc pour moi c'était d'une certaine manière l'entrée dans la logique administrative de recensement des personnels médicaux des sages-femmes à la fin de l'Ancien Régime. Vous avez étudié particulièrement les sages-femmes et ici comme une évidence nous avons une figure féminine essentielle dans l'univers du soin, une figure qui existe depuis l'Antiquité. Tout à fait, la figure de la sage-femme est une figure qui a cette caractéristique d'être présente effectivement dans toutes les sociétés humaines, d'avoir un statut particulier dans la plupart des sociétés humaines, même si il y a toujours une ambivalence autour de cette figure, puisque la dimension de professionnalisation de cette figure n'est pas évidente en fonction des sociétés. Et que se maintient jusqu'au début du XXe siècle une coexistence entre des figures d'accoucheuses finalement non spécialisées, non professionnelles qui accompagnent les femmes et progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle des figures d'accoucheuses beaucoup plus spécialisées, formées, diplômées désormais, qui elles forment finalement les ancêtres des sages-femmes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, dans l'histoire de la figure féminine liée au monde du soin, il y a la notion de professionnalisation qui passe aussi par l'idée de rémunération. Et c'est ici que l'on voit des évolutions très nettes. Tout à fait. Le XVIIIe siècle correspond au sens large à une professionnalisation accrue des métiers du soin, en particulier pour tout ce qui relève des chirurgiens. Et effectivement, la question de la rémunération rentre en ligne de compte progressivement pour les sages-femmes qui sont formées à partir de la fin du XVIIIe siècle en France mais au-delà en Europe, ces jeunes femmes considérant que dès lors qu'elles ont un savoir particulier, qu'elles ont une reconnaissance officielle, il est normal d'une certaine manière qu'elles vivent de ce métier qu'elles ont acquis. Oui, il y a un discours qui est construit tout au long du XVIIIe siècle, avec des figures importantes, celle d'Angélique du Coudray par exemple qui porte ce discours. Qui est cette femme ? Alors Angélique du Coudray, c'est une sage-femme originaire d'Auvergne, mais qui se forme à Paris, à ce qu'on appelle à l'époque l'office des accouchés de l'Hôtel Dieu. Angélique du Coudray, elle exerce comme sage-femme sur la place de Paris pendant une quinzaine d'années, avant d'être rappelée en Auvergne par le seigneur de Thiers, qui lui demande de venir faire les accouchements dans sa seigneurie en échange d'une rémunération tout à fait substantielle. Et elle découvre dans ce cadre-là le très faible niveau de connaissance des matrones, des sages-femmes, on va dire, qui sont présentes dans les campagnes. Et elle fait le choix à partir de ce moment-là de proposer un enseignement à ces femmes. Elle va obtenir en 1757 un brevet royal qui lui permet d'enseigner dans tout le territoire français et elle va faire un tour de France, alors qui n'est pas tout à fait un tour de France, mais elle va former près de 5000 sages-femmes. Oui, il y a cette idée de formation essentielle au XVIIIe siècle. Mais pourquoi ce moment du XVIIIe siècle, Nathalie Sage-Prancher ? Parce qu'on a envie tout de suite de le relier à une vision plus globale de la société, à l'esprit des Lumières, à l'idée que l'individu peut agir, que la maladie peut être traitée et que les femmes ont un rôle à jouer, qu'elles jouent d'ailleurs déjà, mais qui doit être reconnu. Alors, il y a effectivement un lien à faire avec les figures des Lumières. On peut penser à Montesquieu qui évoque cette crainte de la dépopulation à l'échelle européenne, qui en parle en particulier dans les lettres persanes. On peut aussi faire le lien avec une pensée politique qui s'ancre dès le XVIIe siècle, à savoir que l'ampleur de la population, l'importance de la population, c'est la richesse d'un royaume. Et au XVIIIe siècle, alors qu'on commence à faire les premiers travaux en démographie historique, si on peut dire, on craint une baisse de la population et on va chercher d'une certaine manière des boucs émissaires. Et parmi les boucs émissaires, il y a un bouc émissaire absolu qu'on va trouver, c'est la figure de la mauvaise sage-femme, de la mauvaise matrone, qui estropie les mères, qui tue les mères et qui tue les enfants à la naissance. Oui, il faut faire disparaître cette figure de la mauvaise sage-femme pour imposer celle d'une sage-femme qui est formée, donc qui peut être rémunérée. Nathalie Sage-Franchère, vous avez étudié particulièrement les sages-femmes. Mais il y a une constante dans le monde du soin, c'est la place des femmes. La femme toujours à côté du malade, infirmière, garde-malade. Nous l'avons dans notre esprit, c'est quelque chose qui dure pendant des siècles. Comment l'expliquer? Alors, il y a effectivement non pas une forme de destinée naturelle de la femme à s'occuper des malades ou des personnes vulnérables, mais il y a de manière assez nette une manière de confier aux femmes et d'attendre des femmes qu'elles assument ces rôles-là, rôles qui sont liés à la question de la famille, au fait de s'occuper des enfants en bas âge. Tous ces aspects-là les poussent les femmes de manière plus générale à prendre en charge les soins aux plus fragiles et aux plus vulnérables, de manière évidemment totalement bénévole dans le cadre familial, mais aussi au-delà, dans le cadre de la société, puisque l'aide entre voisines est quelque chose qui est extrêmement présent, à la fois dans les accouchements, puisque souvent on va le retrouver, y compris jusqu'au XXe siècle, mais aussi dans les soins du quotidien, dans le fait de rester à côté d'un enfant ou d'une personne qui souffre, le temps qu'elle souffre. Donc il y a une forme d'assignation, si je puis dire, de genre, de ces pratiques du soin aux femmes. Oui, Et c'est alors quelque cette... chose qui est valorisé différemment selon les milieux sociaux aussi. Selon les milieux sociaux, c'est drôlement intéressant, hein, c'est parce qu'il y a aussi, c'est votre analyse, Nathalie Sage-Franchère, un regard porté sur l'origine sociale de ces femmes. Elles sont souvent d'origine populaire, elles savent parler aux malades, ben, tout simplement, par exemple, parce qu'elles maîtrisent le patois. Tout à fait. De manière assez intéressante, il y a un choix qui est fait de façon très consciente par les pouvoirs politiques français au cours du XIXe siècle, qui est de tirer les sages-femmes de la classe des pauvres. C'est vraiment l'expression qu'on retrouve de manière très régulière. L'objectif étant de faire en sorte que ces femmes soient de plein pied, finalement, avec les milieux populaires qu'elles vont avoir à soigner, qu'elles puissent être des passeuses de savoir médical, des passeuses de pratiques, d'hygiène, etc., dans un contexte où les gens qu'elles vont côtoyer vont se reconnaître en elles. Donc, il y a véritablement la volonté d'avoir une forme d'égalité, on va dire, d'origine. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'évidemment, dès lors que vous tirez les sages-femmes de la classe des pauvres, vous pouvez vous dire qu'elles ne vont pas attendre de fortes rémunérations. Donc, c'est aussi un moyen de maintenir une forme de pression à la baisse sur les rémunérations possibles de ces professions. La notion de soignant, de soignante couvre des réalités très différentes dans lesquelles les femmes ont une place essentielle. En fait, c'est une construction qui se monte peu à peu tout au long du XVIIIe siècle. Vous avez écrit L'école des sages-femmes, formation d'un corps professionnel, et vous arrêtez votre analyse au moment de la Première Guerre mondiale, hein, 1916-1917. Pourquoi à ce moment-là? Alors, 1916, le mois d'août 1916, c'est la date à laquelle sont fusionnées les deux catégories de sages-femmes qui existaient depuis le 19e siècle, à savoir des sages-femmes de première classe qui pouvaient exercer sur l'ensemble du territoire et des sages-femmes de deuxième classe vécues comme des figures plus rurales, en tout cas ancrées uniquement à l'échelle d'un département. On retrouve là la division qu'il y avait entre docteurs en médecine et officiers de santé. Il faut attendre 1916 pour que cette division disparaisse, donc ce reliquat du 19e siècle, et qu'on ait une unification de la profession. 1917, c'est la grande réforme de l'instruction des sages-femmes dans la foulée justement de cette unification de la profession. Mais ce qui est assez intéressant finalement, c'est qu'on a là aussi la pérennisation d'un métier bien particulier qui, dans d'autres pays à la même période, connaît un recul très fort. Je pense aux États-Unis où la profession de sage-femme disparaît quasiment au cours de ces années-là, ou des pays comme l'Angleterre, où elle se reconstruit très difficilement après un 19e siècle, finalement très en retrait. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Nathalie Sage-Panchère, parce que sur des questions liées à la médecine, on pourrait imaginer qu'une histoire comparatiste n'est pas possible. Ce sont toujours les meilleures solutions qui sont adoptées, quels que soient les pays. Mais à partir de votre étude sur les sages-femmes, nous voyons des différences très nettes, hein, entre les pays où ce sont plutôt des choix politiques ou des habitudes qui se répètent. Alors, il y a des différences effectivement très nettes par pays en fonction de la taille du pays, des traditions aussi. Si on prend l'exemple des États-Unis, on s'aperçoit que le nord des États-Unis et le nord-est en particulier, qui est marqué par de très importantes migrations d'origine européenne, conserve, on va dire, plus tardivement cette institution des sages-femmes, tandis qu'elle est beaucoup plus remise en cause dans le sud des États-Unis par la transformation, on va dire, de l'esclavage à la ségrégation, qui fait que toutes les figures de sages-femmes esclaves disparaissent et vont être progressivement remplacées par des médecins. Donc, on a des évolutions qui sont souvent ancrées dans des arrière-plans politiques beaucoup plus vastes et qui sont liées finalement aux pratiques et aux habitudes des populations. Dans le cas de la France, l'importance de la population rurale explique qu'on ait souhaité pendant très longtemps conserver des sages-femmes qu'on pouvait finalement attacher au terroir par cette interdiction d'exercer au-delà d'un département. Avec la professionnalisation des femmes dans le monde des soins, j'imagine qu'il y a une réaction de la part des hommes, notamment des médecins qui ne voient pas d'un bon œil cette professionnalisation des femmes. Alors, paradoxalement, la profession de sage-femme est une profession qui est relativement bien accueillie par les médecins dans la mesure où ils peuvent conserver, et je parle là du 19e, une maîtrise sur la formation, sur l'étape de la formation. Les médecins ne souhaitent pas à tout prix devoir aller faire les accouchements dans les campagnes. Un accouchement qui se passe bien ne demande pas énormément d'intervention, il ne peut pas de fait être facturé particulièrement de façon très élevée, et il faut rester, il faut être présent, ce que les sages-femmes font et ce que les médecins ne font pas. Donc il y a effectivement un soutien très fort des médecins à la diffusion de cet enseignement pour les sages-femmes. Mais il est vrai que les sages-femmes perturbent d'une certaine manière les normes morales, les normes sociales. Ce sont des jeunes filles, elles commencent leurs études à 18 ans, elles découvrent des choses que, finalement, dans un esprit peut-être un peu puritain, en tout cas pour les milieux bourgeois, qu'elles ne devraient pas savoir, puisqu'elles savent finalement comment on fait les enfants. Et d'autre part, ce sont des femmes qui bougent énormément, qui sortent la nuit. Et il est assez intéressant de voir que lorsqu'on envisage de former des femmes médecins, donc docteurs en médecine, on se dit qu'il va être inimaginable qu'elles puissent sortir de chez elles faire des visites la nuit, ce que les sages-femmes font depuis évidemment des décennies ou des siècles. Oui, aujourd'hui, nous l'entendons, il y a énormément de discours autour des soignantes, des soignants, et heureusement, hein, merci à elles, merci à eux. Et dans ce discours, il est beaucoup demandé aux chercheurs, aux médecins, aux infirmières. Il y a toujours un vocabulaire genré quand il s'agit du monde médical. Alors, il y a effectivement la pérennisation d'une tendance à genrer dès lors qu'on passe au niveau des professions paramédicales. Alors, ça reflète effectivement des réalités démographiques, puisqu'il y a encore un pourcentage plus important de femmes dans ces métiers. Il est assez frappant aussi qu'on continue finalement d'associer au féminin des métiers qui apparaissent plutôt du côté du soin rapproché, de ce qu'on appellerait le care. Et il y a là très probablement une manière de faire perdurer une image de la femme dévouée à soulager la souffrance. Tandis que la figure du médecin va être plutôt tirée du côté de la recherche, du héros, de l'action. On a là effectivement des oppositions qui perdurent et qui perdurent très largement dans le discours journalistique. Le médecin soigne, l'infirmière remonte les oreillers, ça c'est une vision qui a longtemps perduré. Vous le constatez aujourd'hui avec ce que nous vivons, il y a un changement du regard porté par la société sur le monde médical. Nathalie Sage-Pranchère, vous avez étudié particulièrement les sages-femmes à la fin du XVIIIe siècle, durant tout le XIXe siècle et au début du XXe siècle. Vous avez donc croisé des épidémies. Ce ne sont pas ces moments-là, en fait, qui changent le monde médical particulièrement. Je suis frappée, au contraire, actuellement, par le recours à un vocabulaire qui, finalement, est un vocabulaire assez traditionnel pour désigner le travail des soignants et qui n'est peut-être pas celui que les soignants pourraient souhaiter en termes de reconnaissance sociale et matérielle. On utilise beaucoup la notion d'héroïsme, on valorise le dévouement jusqu'à l'épuisement. Et on pense d'ailleurs à tous ces soignants qui étaient déjà très très largement épuisés avant même le début de cette épidémie. Là où les soignants, lorsqu'ils ont l'occasion de parler, soulignent le fait que c'est du professionnalisme, que c'est faire leur travail, et qu'à ce titre, évidemment, il doit y avoir en retour une reconnaissance matérielle, concrète, de ce travail, et non pas simplement de ce dévouement. Donc on a finalement la coexistence d'un discours très moral, qui s'appuie sur des valeurs, sur l'idée d'un sacrifice quasiment, et en face, des professions qui rappellent qu'elles sont là pour travailler, même si elles ne produisent pas, elles travaillent néanmoins. Nous avons évoqué avec vous, Nathalie Sarge-Pranchère, une figure du XVIIIe siècle, Angélique du Coudray, qui avait soutenu la nécessité d'une bonne formation et d'une bonne rémunération pour les sages-femmes. Nous constatons aujourd'hui, au XXIe siècle, que nous sommes avec les mêmes réflexions. Oui, il faut une bonne formation, il faut également une rémunération correcte pour ceux et celles qui nous soigne. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à ce podcast du cours de l'histoire pour essayer de comprendre ce que nous vivons. À bientôt, Nathalie Sarge-Pranchère. À bientôt. Retrouvez le cours de l'histoire par Xavier Mauduit tous les matins de la semaine à 9h05 sur France Culture.